La France pendant la Deuxième Guerre. Cinquième partie. Les déportations. Peut-être l'aspect le plus difficile de cette période était la déportation des Juifs de toute la France vers les camps de la mort. Les persécutions des Juifs ont connu deux grandes étapes. Dans un premier temps, de 1940 à 1942, les Allemands et Vichy ont pratiqué une politique visant à exclure des Juifs de la société. Ils ont été recensés, puis exclus de certaines professions et dépossédés de leurs biens. Dans cette première phase, l'antisémitisme pratiqué par Vichy n'était pas une contrainte directe née de l'occupation, mais un choix politique propre. À partir de 1942, la répression s'est intensifiée. Face à cela, un grand nombre de Français ont caché les persécutés au péril de leur vie. Il faut reconnaître que le régime de Vichy, bien qu'il soit prêt à rendre les Juifs étrangers, ne voulait pas livrer en masse les Juifs français. Ils n'étaient pas pour l'extermination et n'ont pas compris le lien entre les déportations et la solution finale. Mais sans y participer activement, leur indifférence au sort de ces déportés est profondément choquante. Les effets des lois anti-juifs étaient visibles pour tous les Français. Le port de l'étoile jaune en zone occupée, le tampon juif sur la carte d'identité, l'interdiction d'entrer dans les jardins publics, la peur omniprésente de l'humiliation dans la rue, ou pire encore, la détention et la déportation. Voilà la réalité quotidienne pour des milliers de Juifs français et étrangers résidant en France. Qui plus est, la persécution organisée par Vichy avait précédé les volontés allemandes. Pour faciliter l'action hitlérienne contre les Juifs, le gouvernement a décidé de faire participer des gendarmes français à l'arrestation de Juifs dans la zone nord. Le 16 au 17 juillet 1942, la première grande rafle, celle du Veldiv, a eu lieu. 13 000 personnes, dont 4 000 enfants, ont été arrêtées par les policiers français à Paris. Ils les ont enfermés au Veldiv avant de les envoyer au camp de Drancy, dans la banlieue nord de Paris. D'ici, les Allemands ont entassé ces déportés dans des wagons de bétail qui les emmenaient dans les camps de l'Est. La suite était la mort, soit immédiate, dans les chambres à gaz, soit lente, de malnutrition, de maladie et de fatigue, dans Auschwitz, Buchenwald ou Dachau. Sur une population estimée à 350 000 individus avant-guerre, environ 76 000 Juifs de France ont été déportés, dont seuls 2 500 ont pu survivre. Ceci dit, les trois quarts des Juifs français ont échappé au massacre. Ce qui est choquant, c'est que plus de 4 cinquièmes des Juifs déportés ont été arrêtés par les uniformes français.